Florence qui nous parle de la prostitution en Allemagne. Bonjour, alors je m'appelle Florence, j'ai passé 20 ans de ma vie adulte en Allemagne. Plus grand, ouais. Voilà, j'ai passé 20 ans de ma vie adulte en Allemagne et donc ça fait à peu près un an que je suis revenue à Paris. J'ai la double nationalité, je suis aussi bilingue et j'ai beaucoup milité dans les associations féministes allemandes depuis 2000-2001 à peu près. Et j'ai eu l'occasion de beaucoup m'investir dans les violations, dans la défense des droits des femmes, là où on perçoit particulièrement violemment en Allemagne qu'ils sont bafoués. Et le domaine dans lequel c'est le plus criant, disons, c'est la prostitution. Et donc j'ai été amenée à suivre les activités de beaucoup d'associations féministes aux côtés des prostituées ou dans la définition politique de ce que pouvait être une prévention de la prostitution et du recours au sexe tarifé en Allemagne. Alors, il faut savoir qu'en Allemagne, il y a une situation complètement différente de la France par rapport à l'autorisation du proxénétisme. C'est-à-dire qu'en France, depuis 1946, il y a une loi qui s'appelle la loi Marthe Richard, en raison de la personne qui a initié cette loi, qui interdit le proxénétisme, c'est-à-dire le fait de vivre des revenus de la prostitution d'autrui. Alors, ça n'interdit pas la prostitution, mais ça interdit le fait de faire se prostituer quelqu'un pour en tirer des revenus. Et cette interdiction a mené au fait qu'en France, il n'y a plus, depuis 1946, de bordel, du moins plus de bordel officiel. Et ça n'existe pas en Allemagne. Donc en Allemagne, non seulement les bordels sont autorisés, mais on est un homme d'affaires comme un autre quand on est propriétaire, par exemple, d'un Eros Center ou d'un salon de massage dans lequel sont une quinzaine ou une vingtaine ou quelquefois même plus, 150 prostituées qui se prostituent jour après jour et dont les revenus sont partagés de façon plus ou moins équitable avec le proxénète. Avec le propriétaire de bordel. Alors, c'est souvent pas sous la forme d'un emploi, c'est-à-dire que les femmes qui sont dans ces établissements ne sont pas les employées du propriétaire de l'établissement, elles sont le plus souvent locataires. Elles sont locataires d'une chambre, loyées et payées jour après jour. À 2h du matin, le propriétaire du bordel passe dans toutes les chambres pour ramasser le loyer, dans beaucoup de cas, quelques autres cas, c'est à la semaine, mais la plupart du temps, c'est jour après jour, et c'est entre 140 et 250 euros par jour, hein, par jour. Donc ce sont des loyers extrêmement élevés que les propriétaires de ces établissements encaissent donc pour chaque chambre qu'ils louent. Et ils se protègent de l'accusation, ils se protégeaient déjà avant 2002 de l'accusation d'être des proxénètes parce que, du mépris de la société par rapport aux proxénètes parce qu'ils disent qu'ils louent des chambres et qu'à la limite ils savent pas ce qui s'y passe. Alors c'est tout le monde, personne n'est dupe, hein. On sait très bien que c'est pour la prostitution qu'on peut louer à des tarifs pareils parce que l'activité ne permet des tels rendements, alors de payer un tel loyer. Donc il y a une espèce d'hypocrisie là-dessus, si bien que on a en 2002 la plupart des propriétaires de bordels étaient répréhensibles d'incitation à des mauvaises mœurs, enfin c'est un délit qui existait dans la loi allemande. En 2002, on a supprimé cette incitation aux mauvaises mœurs et donc la prostitution est devenue un métier comme les autres de façon à ce que les proxénètes puissent avoir pignon sur rue et être propriétaire de bordel et créer de bonnes conditions pour la prostitution ne soit plus répréhensible, ne soit plus un délit. Ça a très bien marché. Donc à partir de 2002, il y a eu cette loi, ça a très très bien marché, ça a fait que le proxénétisme est devenu vraiment un business tout à fait reconnu. Que les femmes qui sont dans la prostitution peuvent avoir un emploi assuré social, avec une retraite, avec des cotisations sociales, etc., auprès de cet employeur. Et ça a servi de rentrée d'argent pour plein de petites communes, en périphérie des grandes villes en particulier, parce que c'est un commerce, c'est une prestation de service. Donc il y a des tas de bordels qui s'installent dans des banlieues, qui payent des impôts locaux, ça fait vivre l'économie, c'est très bien. Il y a des élus locaux qui sont très copains avec les propriétaires de ces bordels et qui le font savoir éventuellement. Il y a des opérations de sport, genre Téléthon ou je sais pas quoi, qui sont des tournois de football ou des tournois de je sais pas quoi qui sont sponsorisés par les propriétaires des bordels parce que ce sont des acteurs efficaces de l'économie locale et que on les reconnaît comme sponsors possibles dans des manifestations sportives ou même des manifestations culturelles. Et donc, ils sont vraiment extrêmement bien intégrés au tissu local. Alors, on pourrait se demander comment est-ce qu'on en est arrivé à cette situation, à cette loi, et pourquoi les féministes n'ont pas combattu cette législation qui est si favorable aux propriétaires de bordel. Alors, moi, j'étais à l'époque, en 2001-2002, quand on en a beaucoup parlé, j'étais favorable à cette loi, parce que je pensais que la situation qui prévalait avant, qui était que la prostitution se cachait pour exister, n'était pas viable et qu'on ne pouvait pas continuer à fermer les yeux sur une activité en déclarant qu'elle était hors la loi et donc ne pas se soucier de l'hygiène, de la santé, de toutes les femmes qui étaient là-dedans. Et donc il fallait la rendre plus visible, plus ordinaire, une activité qui puisse être salariée comme une autre avec toutes les assurances qui vont avec. Et on nous a, après 1999, la Suède a adopté le modèle nordique, c'est-à-dire le modèle qui consiste à pénaliser les clients des prostituées. La Suède était le premier pays à faire ça. Et après 1999, il y a eu une avalanche d'emails, d'appels de détresse de femmes du monde entier, alors des Nigérianes, des Finlandaises, des Suédoises bien sûr aussi, mais des Espagnoles, des femmes du monde entier qui se précipitaient en Allemagne en disant « la Suède c'est l'horreur, on nous a chassés des appartements où on se prostituait, on peut plus rien faire, on a été obligé de se rabattre sur l'Allemagne, heureusement qu'il y a encore l'Allemagne, c'est le paradis pour les femmes, ça permet d'exercer dans de bonnes conditions, etc. etc. » Et ce lavage de cerveau qui était dûment instrumentalisé par l'industrie du sexe, donc par les propriétaires de bordels qui sont très bien organisés, hein, en syndicats, en chambres, etc., ils ont très bien orchestré toute cette détresse, toutes ces manifestations de détresse, si bien que la majorité des féministes allemandes, à l'époque, y a cru. Et on a cru vraiment que l'Allemagne était devenue un refuge pour des femmes pauvres qui étaient vraiment vouées, qui n'avaient pas d'autre solution que de se prostituer et qu'il fallait protéger. Et il a fallu une prise de conscience relativement longue pendant les années qui ont suivi, après 2002, pour qu'il commence à y avoir en Allemagne une prise de conscience que ça ne pouvait pas être une solution, que mettre son corps à la disposition d'autrui pour gagner sa vie, c'était pas une façon de gagner sa vie, c'était une façon de se faire exploiter, et qu'il fallait non pas donner des bonnes conditions aux femmes pour qu'elles puissent le faire, mais combattre les situations qui mènent à devoir se faire exploiter comme ça. Et donc il y a toute une levée de bouclier de la gauche allemande qui a dit « Ah oui, les féministes, vous êtes bien gentilles, mais en fait ce qu'il faudrait c'est combattre la pauvreté, alors allez-y, faites, on vous regarde. Comment on fait pour combattre la pauvreté, puisque ce sont des femmes pauvres du monde entier qui arrivent en Allemagne pour survivre. C'est comme ça qu'on nous présente les choses. » En fait, c'est pas vrai. D'abord, il y a beaucoup de pauvreté dans le monde et il n'y a pas 100% de pauvres qui se prostituent. Donc il y a d'autres façons de vivre avec la pauvreté que la prostitution. Et ensuite, c'est complètement faux aussi de dire que grâce à la prostitution, ces femmes sortent de la pauvreté. C'est le contraire qui se produit, c'est-à-dire qu'elles s'y enfoncent. C'est-à-dire que la prostitution, une fois qu'une femme a commencé à devoir payer un loyer de 140 euros par jour, à devoir s'acheter de la lingerie, à devoir s'acheter tout ce qui va avec pour pouvoir se prostituer, elle continue à avoir ce niveau de dépense, et c'est ce niveau de dépense qui l'empêche de sortir de la prostitution. Très souvent, elles n'ont pas d'autre endroit où habiter, où vivre. Et donc, elles sont obligées de rester au bordel. Donc, elles sont obligées de payer ces loyers extrêmement élevés. Et donc, elles ne peuvent pas sortir de la prostitution. Donc, le sans-logisme est aussi non seulement une porte d'entrée dans la prostitution, mais une voie sans issue pour les femmes. C'est-à-dire que, n'ayant pas de toit ailleurs que dans un bordel où elles se prostituent, elles ne peuvent absolument pas en sortir. D'autre part, il est très rare qu'une femme arrive à payer non seulement un loyer de ce type, mais en plus tous les frais incombant à la prostitution, à se nourrir et à mettre de côté de quoi envoyer à sa famille ou de quoi changer d'activité. C'est très très rare, ça arrive dans de très très rares cas. Et il y a des proxénètes, alors souvent elles ont des quand je dis proxénète, c'est aussi les soi-disant protecteurs, enfin les bodyguards qui s'occupent d'elle, etc. Souvent, ils exigent, au fur et à mesure que si une femme a beaucoup de succès, qu'elle arrive à faire beaucoup d'argent dans la prostitution, ils exigent, eux, des honoraires de plus en plus élevés pour les services qu'ils leur rendent, qui sont, par exemple, de les protéger quand elles sont dans des endroits pas sûrs, etc. Et ils exigent aussi des services de plus en plus élevés pour le service qui consiste à envoyer de l'argent au pays. Et si la femme n'accepte pas de les payer de plus en plus, ils menacent de ne pas envoyer l'argent au pays. Effectivement, parce que souvent, elles viennent de régions très rurales de Bulgarie ou de Roumanie ou de ces régions-là, où elles n'ont pas la possibilité de faire des virements bancaires parce que leur famille restée au pays n'a pas accès, n'a pas de compte en banque. La plupart des femmes qui sont dans la prostitution, et ça c'est valable pour le monde entier, font partie de populations qui sont discriminées à l'origine. C'est-à-dire on ne vient pas par hasard dans la prostitution. Il y a déjà des phénomènes qui favorisent l'entrée. Et en Allemagne, c'est particulièrement vrai. Il y a 90% de femmes qui font partie de minorités ethniques ou de minorités autres qui sont déjà discriminées dans leur pays d'origine et qui, une fois entrées dans la prostitution, sont encore plus discriminées, évidemment, de par leur activité. Et donc, les cas extrêmement rares de femmes qui ont réussi à faire, entre guillemets, fortune dans la prostitution servent de pancarte et d'alibi au lobby des propriétaires de bordels et des proxénètes. Voyez, on peut très bien réussir. Et d'ailleurs, une telle machine, elle a une voiture décapotable, etc. Et ils s'empressent d'encourager ces femmes à faire des dépenses somptuaires visibles, genre justement une grosse voiture ou genre une belle maison ou genre, etc., de façon à afficher ce que ces femmes leur servent vraiment d'enseigne. C'est-à-dire, c'est quelques femmes qui sont soi-disant très... qui ont beaucoup de succès dans la prostitution, servent d'enseigne à tout le lobby des propriétaires de bordels et aux proxénètes pour qu'elles puissent faire de la publicité, entre guillemets, à ceux qui sont... qui douteraient que la prostitution est une formidable forme de carrière pour une femme. Et donc, ça occulte l'immense majorité des femmes qui sont dans une situation inextricable, c'est-à-dire qu'elles ont promis à leurs frères et sœurs, à leurs enfants restés au pays, qu'elles enverraient de l'argent régulièrement. Elles ne trouvent pas d'autre solution d'envoyer de l'argent que de se prostituer. Elles envoient une somme qui est petite pour l'Allemagne, mais qui est petite en euros, mais qui représente beaucoup pour les pays dans lesquels ça aboutit, puisque c'est des pays dans lesquels le niveau de vie est bien plus bas qu'ici, qu'en Allemagne ou en France. Et du coup, elles sont pieds et poings liées par les proxénètes et les gens qui les ont amenés là, qui sont souvent des trafiquants, mais pas toujours. Quelquefois, ce sont juste leur oncle ou leur cousin ou quelqu'un de leur famille qui, entre guillemets, ne voit pas d'autre solution pour faire survivre la famille que d'envoyer une fille en Allemagne. Et elles sont complètement dépendantes de ces gens-là. Alors, elles disent, quand on les interroge, elles disent « Oui, je ne peux pas arrêter parce que sinon... mes enfants vont mourir, ma mère va mourir, mon frère, etc., n'aura plus d'argent, mes frères sont au chômage, il faut bien que moi je travaille. » Et donc il y a tout un faisceau de relations qui nous paraît, nous, complètement aberrant, enfin, d'être obligé de laisser exploiter par toute une famille qui vit comme ça au crochet d'une seule personne. Mais en fait, pour ces femmes-là qui ont intégré depuis leur plus tendre enfance que le fonctionnement d'une famille patriarcale, c'est comme ça que ça marche, qu'une femme, depuis l'âge de 5-6 ans, on leur a répété qu'une femme, c'est fait pour se marier et pour écarter les jambes et pour apporter du pognon, peu importe, et pour faire vivre une famille. Et c'est un schéma patriarcal qui est tellement ancré dans leur tête qu'elles se sentent vraiment autonomes dans leurs décisions conformant à ce schéma qui, d'un point de vue des droits humains, n'est absolument pas un choix autonome, évidemment. C'est absolument pas un choix autonome, c'est une exploitation pure et simple. Voilà, alors, dans la proposition de la loi qui vient de passer en France actuellement, qui est semblable au modèle nordique, au modèle suédois, donc qui consiste à pénaliser les clients de la prostitution pour assécher, entre guillemets, la demande, est une loi qui paraît en Allemagne, aux yeux de beaucoup de militantes et militants allemands, complètement impossible. Parce que, à partir du moment où on a commencé à réglementer les bordels et à accepter que la prostitution fasse partie du tissu économique d'un pays, c'est extrêmement difficile de pénaliser le recours à cette prestation. C'est comme si tout d'un coup on disait, aller chez le coiffeur, c'est interdit. Alors, on va pas empêcher les coiffeurs d'exercer, mais on va pénaliser tous les gens qui iront chez le coiffeur. C'est complètement impossible et inimaginable. On peut pas faire ça. Pour les bordels, c'est pareil. Pour la prostitution, c'est pareil. On peut pas dire tout d'un coup, on va pénaliser des gens qui ont recours à quelque chose qui a pignon sur rue, qui fait partie de l'économie locale, qui est tout à fait reconnu et admis, et dont les grands business, les grands managers font partie de l'élite, entre guillemets, de l'économie locale. Voilà, donc c'est pour les Allemands, pour les Allemandes, pour beaucoup de militantes qui abolitionnistes comme moi, qui ont actuellement les yeux rivés sur ce qui se passe en France, en se demandant mais qu'est-ce que ça va faire cette pénalisation des clients. Et le premier effet qu'on va avoir, et qu'on avait déjà, mais qu'on va avoir encore plus en Allemagne, c'est que il va y avoir un énorme tourisme frontalier de sexuel, c'est-à-dire que on a déjà vu depuis 2012 que cette loi est en discussion. Les investisseurs de l'industrie du sexe ont déjà pris des devants, c'est-à-dire qu'ils ont construit autour de Karlsruhe, autour de Kehl, autour de Saarbrücken, autour de Trèves, dans toutes les régions frontalières de la France, d'énormes bordels qui sont sortis de terre comme des champignons entre 2012 et maintenant. Et on sait très bien que c'est parce qu'ils savent savent qu'à partir du moment où la pénalisation des clients sera vraiment effective, énormément de clients transfrontaliers viendront de France pour consommer du sexe dans les établissements allemands. Et ça se produit déjà, puisque donc en Allemagne, il y a des bordels, alors qu'en France, ils sont, c'est pas officiel. Moi, il y en a, mais ils sont pas officiels. Et ça va se faire encore plus. Et l'industrie du sexe allemande se prépare très activement à ça depuis à peu près 2-3 ans. Voilà. Alors, que font les associations? Alors, il y a plusieurs associations. Est-ce que je peux encore parler ou j'ai dépassé moyen? Alors, il y a plusieurs associations qui viennent en aide aux prostituées, forcément, dans toute l'Allemagne. Il y a énormément de ces associations qui sont dépendantes de l'une ou de l'autre église, puisque en Allemagne, il n'y a pas de séparation de l'église et de l'État. Et les protestants, l'église protestante et l'église catholique ont des contrats avec l'État qui leur permettent, d'une part, d'avoir l'enseignement religieux à l'école, d'autre part, d'encaisser une partie des impôts, et d'une troisième part, les oblige, alors en contrepartie à ces impôts ecclésiastiques, les oblige à assurer un certain nombre de services sociaux, donc beaucoup d'hôpitaux, de maisons de retraite, de crèches et d'établissements de ce genre sont entre les mains de l'une ou de l'autre église en Allemagne. Et ces églises ont aussi, forcément, des centres d'accueil pour prostituées. Ça fait partie des services sociaux qu'elles proposent, des centres d'accueil pour prostituées dans des grandes villes, là où il y en a beaucoup, où elles proposent des services, consultations juridiques gratuites, dans le meilleur des cas, consultations médicales gratuites, et en tout cas, un endroit où se poser, des endroits qui sont safe, c'est-à-dire qui sont interdits aux hommes, etc., où elles peuvent se poser, où elles peuvent prendre une douche, avoir des habits gratuits, enfin, etc., changer de tenue quand elles veulent pas passer pour des putes partout, etc. Et donc ces centres d'accueil pour prostituées, nous on les a beaucoup, on leur a beaucoup demandé, mais prenez position sur ce qu'est vraiment la prostitution et que l'opinion publique en Allemagne se rende compte que ce n'est pas ce que ce ne sont pas les enseignes que veulent nous faire croire, nous veulent nous faire prendre au sérieux les propriétaires de bordels qui me présentent des femmes qui ont fait carrière et qui sont terriblement enrichis, etc. Alors, ces centres d'accueil de prostituées, on a énormément de mal à leur faire prendre des positions hostiles au proxénétisme, hostiles aux clients. Alors, ça peut paraître aberrant, mais elles sont les premières à défendre l'existence de la prostitution en tant qu'institution. Et elles disent, il ne faut pas confondre le commerce et le trafic humain qui sont des horreurs et qu'il faut surtout combattre et qui de toute façon sont interdits. De toute façon, la police est derrière eux, il n'y a pas de problème, on s'en sort. Les trafics humains sont bien entre les mains de la police et de la justice. Et il ne faut pas confondre d'un autre côté la prostitution libre et choisie qui ne fait aucun dégât, qui est une carrière comme une autre pour une femme, qui est un moyen d'enrichissement, qui est un empowerment, qui est une façon de vivre sa sexualité, etc. Alors ils entretiennent cette dualité, ce il ne faut pas confondre, ils entretiennent ça avec une persévérance qui n'a d'égal que leur aveuglement, parce que on ne peut pas, quand on voit comment sont les femmes dans la prostitution, que ce soit en Allemagne ou ailleurs, mais on le voit particulièrement en Allemagne parce qu'il y en a quand même 10 fois plus qu'en France par rapport à la même population, on le voit particulièrement, c'est une exploitation d'un bout à l'autre. Et les quelques femmes qui ont effectivement des Mercedes, c'est parce que leurs proxénètes les ont poussées à acheter une Mercedes plutôt qu'à envoyer de l'argent à leurs enfants ou à leur famille restée au pays, parce que effectivement, eux, ils ont intérêt à ce qu'il y ait des femmes qui fassent la publicité pour le milieu. Et donc, on a toute une catégorie de la qui sont censées aider les femmes, qui font le contraire de stratégie de sortie. C'est-à-dire qu'elles persistent à dire et à faire croire à tout le monde, y compris aux prostituées, qu'on peut faire sa vie en tant que prostituée, que c'est une belle vie, une bonne vie, si on s'y prend bien, si on est des bonnes si on a une bonne professionnalisation de son métier, etc., etc. Et donc c'est un énorme problème. C'est un énorme problème parce que ces associations ne proposent pas de stratégie de sortie. Elles n'aident pas, ou elles aident dans de très rares cas et vraiment de façon très marginale, les femmes à en sortir. Et elles recueillent énormément de l'argent de l'État, l'argent des églises pour vivre en tant qu'association. Elles sont sponsorisées, elles sont subventionnées comme toutes les associations, et elles vivent avec l'argent de l'État. Elles ont des employés à plein temps, à mi-temps, etc. Enfin, elles ont plein de frais, elles ont des locaux, quelquefois ils sont bien même très bien. Elles vivent au crochet de l'État tout en promouvant un modèle de vie qui inclut la prostitution comme institution, en disant les femmes qui veulent faire ça, pourquoi pas, et il faut les laisser, et au contraire, il faut leur fournir des bonnes conditions d'exercice. Voilà, donc ça, cette idéologie-là, qui s'appelle le réglementarisme, c'est-à-dire qui dit la prostitution, c'est bien à condition que ce soit bien réglementé, et qu'on en enlève tous les aspects criminogènes, c'est l'idéologie qui domine complètement en Allemagne. Et donc l'abolitionnisme, qui consiste à dire on ne veut pas se contenter de ça pour les femmes, on ne veut pas se résigner à ce que l'exploitation sexuelle soit la vie d'une femme, est complètement minoritaire, est complètement cantonné à quelques petites équipes de militantes dans certaines régions de l'Allemagne qui sont très souvent invisibilisées et silenciées par la politique locale, et qui n'ont pas d'argent en plus, enfin qui n'ont pas de possibilité d'aider les femmes à sortir. Alors il y a 2 ou 3 initiatives qui se sont montées ces dernières années pour aider vraiment les femmes à en sortir, et avec vraiment un a priori abolitionniste, c'est-à-dire de dire aux femmes, ce qu'on te fait, c'est l'horreur, et c'est pas toi qui le fais, c'est ce qu'on te fait à toi qui est l'horreur, et il faut que tu en sortes, et on va t'aider pour en sortir. Et tenir ce discours-là, c'est s'exposer à avoir ces subventions sucrées. C'est-à-dire qu'on a eu le cas à Berlin dernièrement d'une association qui aidait vraiment les femmes à se sortir de la prostitution, en leur disant déjà l'a priori, en leur disant c'est tu n'es coupable de rien, mais les gens qui te font ça, les acheteurs de sexe qui viennent te voir et les gens qui te forcent à y rester sont coupables d'un crime, et c'est affreux ce qu'ils font, et on veut t'aider à sortir de là. Et bien ces associations, il y en a eu une récemment, une association qui fait ça, qui on lui a pris ses subventions, on lui a retiré ses subventions. Ce n'est pas conforme à l'idéologie dominante qui veut qu'on aide les femmes à vivre dans la prostitution. Voilà. Alors il y a quand même à Stuttgart par exemple, il faut que j'arrête ? À Stuttgart par exemple, il vient de se monter maintenant, depuis l'année dernière, une association qui vient vraiment en aide aux prostituées en les aidant à sortir, mais c'est une des rares qui soit laïque, qui soit d'aucune confession. Et j'espère qu'elle va survivre. J'ai confiance parce que je sais que celle qui la dirige est une femme extrêmement énergique et qui a déjà bien l'expérience de comment il faut parler aux hommes et aux femmes politiques pour arriver à avoir des subventions et à ne pas se les faire sucrer, etc. Il y a actuellement quand même en Allemagne de plus en plus de doutes sur la fameuse dualité entre la belle prostitution volontaire, choisie, et l'affreux trafic humain. Mais ce doute n'est encore pas dans la majorité des têtes. Alors, il y a 3 jours, une grosse razzia dans un bordel allemand à Berlin, un bordel qui était extrêmement célèbre, où il y a 130 chambres, je crois, si je ne me trompe pas. Enfin, il y a énormément de chambres. Donc, on peut imaginer ce que gagne le propriétaire. Enfin, bon, bref. Voilà. Et cette razzia a donné lieu à quelques interpellations. Et donc, c'est les 2 propriétaires du bordel qui avaient pignon sur rue et qui étaient renommés dans toute la sphère politique berlinoise comme étant les super bons propriétaires de bordel qui sont soucieux de la santé et du bien-être de leurs employés, qui sont laissent entrer les assistantes sociales. Moi, j'ai connu une assistante sociale de Berlin qui allait régulièrement dans ce bordel et qui disait « Ouais, c'est tout nickel, il n'y a pas de problème, les chefs du bordel me laissent entrer, je peux parler avec toutes les filles. » C'est vraiment, ça marche vraiment super bien dans ce bordel-là. Et ben, ils sont en tôle, là, maintenant. Les deux propriétaires du bordel, ils sont en tôle. Alors, pourquoi ? On ne peut pas les attaquer pour proxénétisme puisque c'est interdit. On ne peut pas les attaquer pour être propriétaire d'un bordel. Et on ne peut pas les attaquer pour... voilà. Alors pourquoi on peut les attaquer? Alors, il y a une fille qui a dit, moi, qui a dit, mais l'année dernière déjà, hein, elle a été dans un poste de police en disant, moi je ne voulais plus me prostituer à l'Artémis, donc ce bordel. Je voulais partir et il y a un bodyguard qui m'a cassé la gueule et elle avait des plaies, enfin elle était bon, très, très abîmée. Elle a été à l'hôpital, etc. Et ça, il y a eu coups et blessures. Et elle a eu le courage, mais qui est exceptionnel, de porter plainte pour coups et blessures contre un type qui l'a forcé à se prostituer dans ce bordel-là. Donc là, tout d'un coup, la police a pu commencer une enquête et a pu commencer alors, à enquêter sur ce qui se passait vraiment entre les bodyguards et les prostituées, à enquêter sur le rapport entre les bodyguards et les soi-disant bodyguards et les propriétaires des bordels. Et cette enquête a abouti, mais au bout d'un an, hein, tenez-vous bien, au bout d'un an, à une suspicion de travail au noir. Ben oui, ils n'avaient pas déclaré des femmes qui étaient... leurs employés. Alors pourquoi elles étaient leurs employés? Eux, les propriétaires de bordel, ils disent toujours « Mais non, nous, elles ne sont pas nos employés. Elles louent une chambre. Nous, on encaisse le loyer, point barre. On ne sait pas ce qui se passe dans les chambres. » Alors, d'accord, ça va, mais à condition qu'elles puissent travailler à l'heure qu'elles veulent, comme elles veulent, quand elles veulent, laisser la porte fermée ou laisser la porte ouverte de leur chambre selon ce qu'elles veulent. Et à ce moment-là, d'accord, elles sont des locataires. Seulement, on a pu prouver... par des dépositions de certaines femmes qui ont eu le courage de faire des dépositions, mais là encore, ça a été un gros travail d'investigation qui a été nécessaire pour trouver des femmes d'accord pour faire des dépositions. On a pu prouver que non. Il y avait des femmes qui étaient obligées d'être là de telle heure à telle heure. Il y avait d'autres femmes qui étaient obligées d'être dans telle ou telle tenue. Il y avait des femmes qui étaient obligées d'avoir la porte de leur chambre fermée ou ouverte à telle ou telle heure, etc. Et donc, ils ont pu prouver que c'était un véritable rapport d'employeur à employé et que, à partir du moment où il y avait un rapport d'employeur à employé, on devait payer les charges sociales. On devait avoir un contrat de travail qui contenait des dispositions d'horaire, de salaire, etc. Et il devait y avoir des charges sociales de payer. Et grâce à ça, grâce aux charges sociales non payées sur des contrats de travail inexistants camouflés en contrats de location, on a réussi à interpeller ces propriétaires de bordel. Voilà, ça a été tout ce travail qui s'est fait pendant un an. Donc c'est pour dire à quel point l'exploitation est bien protégée par la loi en Allemagne. Voilà. Merci beaucoup. On va commencer les questions. J'en profite pour dire à tous ceux qui viennent de nous rejoindre que vous pouvez vous approcher, vous asseoir. Voilà, n'hésitez surtout pas. On va commencer avec Camille qui a une question. Je propose qu'on prenne les questions deux par deux pour que ce soit plus rapide. Donc Camille et puis après, qui veut ? Bonjour, merci. En fait, j'ai deux questions. Est-ce que déjà vous pouvez repréciser pour tout le monde les définitions entre les courants abolitionnistes, réformistes, pour que que tout le monde sache bien de quoi on parle. Et ma seconde question, c'est est-ce qu'il existe en Allemagne des maisons closes ou des bordels autogérés par les prostituées elles-mêmes? Alors, donc le réglementarisme, c'est le fait de dire la prostitution est une activité comme une autre et donc on va faire en sorte qu'elle soit propre, qu'elle soit hygiénique et qu'elle soit bien intégrée à la législation. Et donc on fait des législations qui protègent les prostituées, qui protègent les proxénètes, qui protègent les tenanciers de bordel, permet de prélever des impôts, ce qui est très important parce que ça fait un énorme volume d'impôts, hein, il faut se représenter. Et donc le modèle réglementariste, c'est quelque chose qui existe dans beaucoup de pays, dans peu de pays finalement, mais qui est très attirant, enfin, attirant pour plein de pays qui veulent d'hommes et de femmes politiques qui veulent limiter les aspects criminogènes de la prostitution en disant si le sida prolifère, c'est vraiment pas bien, donc on va se débrouiller pour qu'il y ait une bonne hygiène, qu'il y ait des capotes partout, etc. Et donc il n'y aura plus le sida, il n'y aura plus. Et voilà, et on fait des lois qui obligent les propriétaires de bordel à fournir les préservatifs gratuitement, etc. Enfin, C'est ça le réglementarisme, c'est de dire on s'accommode de la prostitution parce qu'elle peut être propre, elle peut être hygiéniste et à ce moment-là, elle est bonne, elle est tenable, elle est même nécessaire dans la société. Il y a même des gens qui disent elle est nécessaire dans la société. Voilà. Alors l'abolitionnisme, non, d'abord il y a un autre mot en isme que je n'avais pas encore cité, c'est le prohibitionnisme. Le prohibitionnisme, c'est ce que faisait la France depuis la loi Marthe-Richard. Et jusqu'à la loi du 6 avril 2007, c'était de dire on ne veut pas la voir. On sait qu'elle existe, mais surtout pas dans des bordels. On veut pas savoir si ça existe. On veut pas. C'est illégal. C'est dans une espèce de zone de non-droit. Alors l'avantage du prohibitionnisme, c'est quand même qu'on réprime de façon relativement efficace les réseaux et les proxénètes, et que donc il y en avait moins en France, même avant la loi du 6 avril, il y en avait moins que dans les pays où le proxénétisme est autorisé, comme l'Allemagne et la Suisse. Et l'Autriche, je crois que c'est les trois pays actuellement qui restent, qui sont réglementaristes. Et la troisième version, c'est de dire on est abolitionniste, c'est-à-dire qu'on ne s'accommode pas de la prostitution. Elle est une exploitation sexuelle des femmes, elle est une exploitation des plus défavorisés en général, parce que bon, il y a aussi des hommes dans la prostitution, même s'ils sont très minoritaires. Et aucune femme riche et bien éduquée n'y a recours, comme par hasard. Alors si c'était vraiment... Oui, enfin très peu. Et s'il y avait vraiment un besoin de l'essentiel, c'est la lutte contre la pauvreté, la lutte contre les discriminations. Et donc l'abolitionnisme, c'est de dire on ne se résout pas à ce qu'il y ait de la prostitution dans le pays et on fait des lois pour réprimer l'origine de la prostitution. Et l'origine, c'est les hommes qui payent pour avoir du sexe tarifé. Voilà. Et l'autre question, c'était les bordels autogérés. Alors oui, il y a des bordels autogérés qui sont actuellement un peu en difficulté à cause d'une loi supplémentaire qui va réinsister sur le réglementarisme en Allemagne, qui est en discussion actuellement, parce que la loi qui va être mise en place va mettre en difficulté les petits bordels au profit des grands. Et donc les petits bordels autogérés qui sont donc deux ou trois femmes qui se prostituent ensemble vont être obligés de disparaître parce qu'ils ne pourront plus se tenir à toutes les dispositions auxquelles les bordels seront obligés de se conformer si la loi passe. Donc là le réglementarisme entre dans une de ces impasses, c'est-à-dire que si on réglemente, on est toujours amené à plus réglementer, c'est un peu une voie sans issue. Et à partir du moment où les petites structures qui sont tenues par des femmes elles-mêmes ne peuvent plus se conformer aux réglementations, et ben elles sont mises en difficulté, quoi. Et il y en a relativement peu. Mais il y en a actuellement. Et c'est vrai que c'est un problème d'abord, elles sont peu accessibles aux structures d'aide. Mais il faut reconnaître que parmi toutes les horreurs qui se passent dans la prostitution, c'est dans ces petits bordels autogérés tenus par des femmes elles-mêmes que c'est le moins pire. C'est quand même la moins mauvaise solution, en général. Pas toujours, mais en général. Voilà. Bonjour, merci. C'est juste une question peut-être sur la réglementation. Tu as dit que le loyer est très très cher et c'est par jour. Est-ce qu'il y avait est-ce qu'il y a une idée de faire une réglementation sur le loyer par rapport aux prostituées, aux propriétaires? Parce que ça me semble assez simple et logique, mais... Merci. Est-ce qu'il y a une deuxième question tout de suite? Non? Bon. Alors, il existe une protection des locataires contre les loyers. Et je me souviens plus le mot en français, mais les loyers extrêmement chers qui sont des loyers de spéculation, en fait. Je sais pas très bien comment on dit en français, mais il doit y avoir un mot aussi juridiquement, je le connais pas. Alors, les loyers spéculatifs sont interdits en Allemagne déjà. Il y a déjà une loi, c'est-à-dire que un prix du mètre carré qu'on est autorisé à dépasser de plus 20% un truc comme ça, je ne sais pas exactement, mais c'est réglementé déjà en Allemagne actuellement. Donc, pour justifier les lois élevées que les propriétaires de bordel prennent, ils disent « Oui, mais il y a des tas de services en plus. » Alors, il y a la protection, il y a le linge mis à leur disposition, il y a c'est meublé, il y a l'accès à des services hygiéniques et médicaux, etc. Il y a une assistante sociale qui vient toutes les semaines, il y a un médecin qui est consultable de temps en temps, etc. Et ces services-là, alors surtout ce qui est très malléable et ce qui est vraiment à géométrie variable, c'est la protection, c'est-à-dire que ils augmentent énormément le danger potentiel auquel les femmes sont exposées en disant, pour justifier un nombre faramineux de bodyguards et de personnel de sécurité dans les bordels, pour justifier aussi qu'ils les payent extrêmement cher. Et donc ça sert de variable d'ajustement, hein, en disant oui, mais d'accord, la chambre elle coûterait peut-être que 70 euros par jour, mais on a au moins 100 euros par jour de frais de sécurité, de protection pour faire fonctionner l'ensemble, et puis c'est pour que ce soit éclairé 24 heures sur 24, pour que, etc., etc. Voilà, il y a toujours une variable d'ajustement qui permet de dépasser la limite qui est normalement imposée par la loi contre les loyers spéculatifs. Voilà. Il n'y avait pas de deuxième question. Bonjour. Est-ce que vous pourriez définir aujourd'hui ce qu'est un proxénète en France ? Enfin, la définition d'un proxénète ? Quelles sont donc les conditions pour être un proxénète et ce qu'implique la loi sur le proxénétisme en France ? Alors, oui, alors... Être proxénète, c'est, d'après la définition légale, c'est vivre de la... tirer des revenus, peu importe qu'on en vive ou pas, tirer des revenus de la prostitution d'autrui. Donc, ne pas se prostituer soi-même, mais être... en profiter, voilà. Alors, il y a aussi beaucoup de proxénètes qui sont à la fois prostituées et proxénètes. Ça existe, il y en a naturellement beaucoup. Mais la définition propre, c'est tirer ses revenus de la prostitution d'autrui. Et donc, comme en France, les proxénètes sont relativement bien poursuivis, enfin, pas toujours très bien, mais disons que c'est difficile de s'établir comme proxénète en ayant pignon sur rue en France, ça tombe tout de suite dans la criminalité. C'est-à-dire que... La plupart des proxénètes sont aussi impliqués dans d'autres trafics, hein, que ce soit trafic d'armes ou trafic de drogue, etc. Enfin, ça tombe tout de suite dans le brigandage. Et on a voulu nous faire croire longtemps qu'en Allemagne, du fait de la réglementation qui autorise les proxénètes à faire du proxénétisme, justement, il n'y avait pas tout ce banditisme associé. Et en fait, c'est une grave erreur, puisque il y a actuellement une énorme prolifération du trafic d'armes en particulier, qui est liée à des bodyguards de bordel. Et une énorme prolifération qui se situe aussi sur le... Ouais, non, je sais bien, mais en France, moi je compare la France et l'Allemagne. Donc en France, voilà, c'est tout de suite lié à des pratiques criminelles. En Allemagne, a priori, moins, mais en fait, on constate que si. Enfin, on constate que outre les trafics humains, il y a aussi beaucoup de trafics autres. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Ouais, bon. C'est plus une précision. En fait, aujourd'hui, la loi sur le proxénétisme en France, elle fait qu'une prostituée indépendante qui est sur Internet, mais qui n'a pas le bonheur d'être propriétaire, eh ben, en fait, a de grandes difficultés à louer un appartement pour exercer son taf, parce que tout simplement, ça criminalise systématiquement le propriétaire, en fait, qui lui loue l'appartement. De la même manière, ça empêche qu'il y ait des appartements communs de prostituées, vu qu'elles seraient dans ce cas toutes les unes des autres. Donc en fait, et jusqu'à il n'y a pas très longtemps encore, parce que le STRAS, qui est le syndicat des travailleuses du sexe, a réussi à le détruire, mais jusqu'à il n'y a pas longtemps, toute personne, en fait, qui venait en aide, même en donnant des préservatifs à une prostituée, était un proxénète. C'est-à-dire qu'en fait, la vraie loi sur le proxénétisme, c'est aider une prostituée dans son activité. Donc toute personne qui aide une prostituée est un proxénète. On a réussi à obtenir le fait que les capotes ne tombent pas sous ce joug-là. Mais voilà, une petite précision. Merci. Oui, c'est une question peut-être un peu décalée, mais est-ce que vous pensez que sera possible, serait bien ou serait mal, je ne sais pas. Enfin, qu'est-ce que vous pensez d'une mécanisation de la prostitution, c'est-à-dire dans le sens où ce seraient des robots qui occuperaient la fonction, je ne sais pas si on peut dire la fonction, mais en tout cas qui remplaceraient les prostituées. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Est-ce que c'est complètement fantasmatique ? En fait, c'est très intéressant comme question, parce que c'est en train d'avoir lieu. Enfin, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais au Japon, il y a actuellement un industriel qui fait fortune en vendant des poupées qui ressemblent vraiment à des humaines de façon extrêmement... Et alors, En plus, la demande qui s'adresse à cet industriel qui est en train d'avoir un succès fou dans le monde entier, paraît-il, la demande est plus vers des poupées qui ressemblent le plus possible à des enfants. Vous voyez où je veux en venir ? Voilà. Et donc, en fait, le problème, c'est la demande. Et pour répondre à la question, non, c'est pas une solution. C'est absolument pas une solution. Ça consolide la perception d'un désir masculin prédateur qui, en face d'une femme ou d'une poupée ou d'un enfant, a tous les droits du moment qu'il paye. Et ça, cette prédation-là, c'est vraiment à ça qu'il faut s'attaquer avec l'abolitionnisme et avec les campagnes de sensibilisation sur la sexualité en général. Et je pense que la seule façon de s'en sortir, c'est ce que les Irlandaises ont comme slogan pour leur campagne contre la prostitution, c'est end demand, c'est arrêter la demande, c'est stopper la demande, quoi. Et donc c'est toute une rééducation sur les sexualités masculines, sur qu'est-ce que c'est que le désir, qu'est-ce que c'est que la prédation sexuelle, qu'est-ce que c'est que est-ce que l'argent permet tout, est-ce que l'argent donne accès au corps de quelqu'un de façon illimitée, voilà, c'est toute une réflexion là-dessus qui peut à mon avis être un véritable barrage contre l'exploitation sexuelle des femmes, et non pas de remplacer les femmes par des poupées. Ça ne fait que consolider en fait cette perversion du désir, quoi, finalement. Voilà. Il y avait une autre question derrière, là-bas. On va tourner un petit peu. Oui, bonjour. Vous m'avez un peu devancé sur cette question du besoin qui existe. Donc, si on abolit, qu'est-ce qu'on fait de ce besoin qui reste, malgré tout ? Et ce que vous défendez, c'est que... alors, je suis d'accord avec vous. J'imagine que la prostitution peut être de l'exploitation, etc. Mais vous considérez donc que ça ne peut en aucun cas être choisi, voire épanouissant pour les personnes qui exercent cette fonction-là ? Oui, bonjour. Juste une question. En fait, je ne connais pas bien l'Allemagne, mais je connais bien les Pays-Bas parce que j'y ai vécu. J'ai grandi dans une petite ville au nord des Pays-Bas où il y avait très peu de prostituées qui étaient mal vues mais qui vivaient bien leur situation. Par contre, quand on voit ce qui se passe à Amsterdam, c'est tout simplement dégradant parce que la femme est devenue un objet. Et du coup, je me demandais qu'est-ce qu'on pouvait faire pour éviter ces deux extrêmes, en fait. En fait, il y a toujours des solutions pour expliquer ou que les femmes vivent bien leur situation et que donc c'est acceptable, ou que les femmes ont choisi la prostitution et le vivent de façon positive et que donc c'est acceptable. Et moi, j'essaye d'éviter de répondre à ces questions-là parce que ça me semble pas le sujet. Le sujet, c'est pas si une femme est obligée ou si elle n'est pas obligée, si elle se sent obligée ou si elle vit sa sexualité comme ça parce que voilà, elle trouve ça bien ou etc. Ce que je remets en question, la seule chose que je trouve légitime d'attaquer, c'est la sexualité des hommes qui achètent ces femmes. Et c'est le fait d'acheter des actes tarifés auprès de femmes ou auprès d'hommes d'ailleurs. Mais le fait d'acheter un acte sexuel me semble la chose qui est qu'un État doit combattre. C'est une forme de sexualité prédatrice qui n'a pas lieu d'être, qui n'est pas conforme à la Déclaration des droits humains, qui n'est pas que la Déclaration des droits de l'homme, mais qui malheureusement s'appelle toujours comme ça. Et ce n'est pas conforme à la promesse faite depuis les Lumières aux femmes et aux hommes d'une égalité de droits et d'une égalité de fait dans l'accès aux ressources de la planète, aux ressources d'un pays, etc. Il y a une majorité de femmes extrêmement pauvres, extrêmement discriminées dans la prostitution, auxquelles, je le répète, les quelques femmes riches et qui s'en sortent bien servent d'enseigne. Et elles servent aux proxénètes qui exploitent les femmes pauvres d'enseigne pour continuer à exploiter les femmes pauvres. Alors il se peut qu'il y en ait qui le fassent volontairement et qui aient intégré ça comme un métier qu'elles aiment bien et qu'elles continuent à faire, qu'elles veulent continuer à faire toute leur vie. Mais c'est un manque de solidarité, je trouve, terrible par rapport aux milliers d'autres qui le font sans avoir le moindre choix. sans avoir la moindre possibilité d'émancipation par là et sans avoir d'autres possibilités de vivre leur sexualité et qui, dans ce vécu-là de leur sexualité, sont littéralement cassées, sont littéralement brisées. Ça fait des vies, des centaines de vies qui sont brisées, qui entraînent énormément d'addictions, énormément de maladies psychiques et de... Ça a coupé un peu du coup. Alors j'avais lu dans le Kama Sutra justement que en fait c'est marqué les conseils aux hommes, tu ne courtiseras pas une femme qui est dans le besoin. Genre plutôt si une femme est dans le besoin, tu la protégeras, tu la nourriras, tu lui offriras, enfin, des choses comme ça, mais pas contre la sexualité. Voilà, donc c'est vrai que je pense que si ça peut être, enfin, une femme peut être épanouie dans ce métier, mais il ne faudrait pas que ce soit directement un besoin économique. Ça serait très important. Et puis, j'avais voulu proposer une chose. Enfin, d'abord, j'aimerais dire que moi-même, je ne suis pas tout à fait d'accord avec... Je trouve que des fois, il vaut mieux être payé qu'être... Parce que des fois, on rencontre un garçon comme ça, il vous promet monts et merveilles, et puis en fait, c'est juste parce qu'il a envie, voilà. Donc des fois, il vaut mieux que ce soit plus cash, il paye la personne, parce qu'il sait que de toute façon, il ne va pas la respecter jusqu'au bout de... Voilà. Et puis la personne, avec ça, elle peut se protéger. Mais il ne faut pas que ce soit direct. Et moi, c'est pas pour ça que je prends la parole, c'est pour proposer une autre chose, en fait. Est-ce qu'on pourrait pas envisager tout à fait autrement la prostitution en 2016 arrêter la grande quantité de clients, si on veut, mais finalement que chacune puisse acquérir une sorte de liberté, qu'il y ait, par exemple, je sais pas, des endroits où une grande discothèque, enfin un truc... Puis que il y aurait une taxe d'administration pour rentrer, et puis à l'intérieur, les hommes et les femmes, il y aurait des tarifs, des trucs comme ça, et ça pallierait en fait un peu au coup d'un soir, quoi, en fait. Sauf que la femme serait rémunérée. Voilà. Alors moi, j'aurais une question, en fait, à propos de la notion de travail. Qu'est-ce qu'un travail ? Personnellement, je me sens plutôt d'obédience marxiste. Et du coup, pour moi, en fait, il y a aussi la notion, dans le prolétariat, de l'exploitation d'une force de travail. J'aimerais savoir vraiment quelle est la grande vocation profonde d'une caissière à Franprix qui se ferait traiter toute la journée comme de la merde et qui gagne 7 euros de l'heure. Bon, bah, la différence entre Nanala, qui est mécanisée, et la pute, c'est que la pute, elle gagne 10 fois son salaire. Donc elle peut travailler 10 fois moins, donc elle peut être dans les pires cas, les cas où la femme est mécanisée, ce qui n'est pas la majorité des cas dans la prostitution aujourd'hui. On a une grande difficulté à connaître en fait la taille des réseaux, mais on sait en tout cas ce qui est sûr, c'est que c'est pas 80% de la réalité, qu'aujourd'hui les prostituées indépendantes sur internet prennent un grand pourcentage de la prostitution, et encore une fois on peut pas savoir exactement les vrais chiffres vu que la prostitution la pire est cachée. Mais donc, dans cette notion de force de travail, il y a l'idée qu'on exploite une partie de son corps, que voilà, on est un ouvrier, et on sue, quoi. On sue, et que ce soit à la force de ses bras, ou de son vagin, ou de son périnée, excusez-moi, je ne vois pas la différence, à part celle que... Enfin, en fait, la différence que pourrait nous coller sur la tronche un état, encore une fois, religieux, quoi. Mais sinon, c'est quoi la différence ? Enfin, la différence laïque entre l'exploitation d'un vagin et l'exploitation d'un muscle. Non mais réellement, enfin. Et donc déjà il y a ça d'une part. D'autre part, on oublie sans arrêt que il y a des besoins. Enfin voilà, on est des animaux quoi. On est des eumétazoaires, il y a pas de souci, voilà. On vient d'une grande lignée. Si on doit débattre de ça, ce sera un autre moment. Mais en tout cas, en tant qu'animaux, on a des besoins. La culture a tendance à opprimer énormément les besoins, et notamment les besoins de la gente masculine. Depuis qu'ils sont petits, aux hommes, on leur dit « t'es dégueulasse, t'es un sale porc, les désirs que t'as, et gna gna gna, cache ta gigounette, fais pas ça ». Et les hommes se sentent opprimés par leur mère, par leur grand-mère. Et je suis désolée, ça c'est une réalité. Et du fait de cette oppression de base, et de tout en fait les enjeux de pouvoir qui entre l'homme et la femme, ils finissent par avoir besoin de se venger sur une pute qui va pouvoir catalyser en fait toute cette rancœur qu'ils ont accumulée envers la femme, quoi. Et de la même manière, on parlait tout à l'heure de la robotisation entre guillemets de la prostitution, enfin voilà, de sa possible de l'usage du recours à un robot. Et donc, vous disiez que c'est un problème parce que ça conforte le fait que la femme soit un objet, et même ça pourrait conforter la pédophilie. Alors, je voudrais juste rappeler par rapport à la pédophilie que l'extrême majorité des gens qui sont victimes de pédophilie dans leur enfance sont pédophiles eux-mêmes. Quand tu as un désir, quand tu te sens pédophile, quand tu sens que tu as un désir pour un enfant, tu es un sale porc, encore une fois, tu es un monstre, tu es répugnant, tu es dégueulasse. Quand on te dit que tu es répugnant et que tu es dégueulasse toute ta vie, tu finis répugnant et dégueulasse, ça c'est sûr. Par contre, un type, il y en a, et moi j'en connais personnellement, qui ont été victimes de pédophilie, qui sentent qu'ils ont un désir pour les enfants, et qui du coup vont mater de la qui n'ont aucune envie de toucher à un gosse, et qui vont mater des films du coup. On les réprime, et c'est-à-dire qu'en fait, on rend impossible toute guérison, impossible. Une guérison ne passe pas par la culpabilisation et par le jugement. Ça passe par le fait d'accepter qu'il y a un désir et d'essayer de le comprendre. Donc moi, je dis oui, s'il peut y avoir des mini-figurines pour pédophiles et que ça évite qu'on touche à des vrais gosses, mais oui, comment vous voulez changer le désir si ce n'est en travaillant dessus. Non, mais bon, ouais, enfin... Merci. C'était pas fait exprès. On arrive à la fin du débat, on va te laisser conclure. Et puis voilà. En fait, pour conclure, je dirais juste qu'il n'y a pas de droit au sexe. Ni les hommes, ni les femmes, non inaliénables au sexe. Par contre, on a le droit à son intégrité corporelle et psychique. Et c'est ce droit qui est essentiel, qui est 10 000 fois réprimé et bafoué dans la prostitution. Et si les hommes ont un désir, justement le désir, c'est quelque chose qui est différent du besoin. Un besoin et un désir sont deux choses totalement différentes. La différence, c'est essentiellement que le désir, il est humanisé et il est humanisable, oui. Et bien justement, alors, je ne crois pas que ce soit un besoin naturel au même titre que manger et boire. Je crois que c'est un désir et que le désir est humanisable, il est cultivable, et que notre plus grand organe de désir sexuel, il n'est pas entre nos jambes, il est entre nos deux oreilles. C'est notre cerveau, et la bonne nouvelle, c'est que notre cerveau, il est malléable non seulement dans l'enfance, mais il est malléable tout au long de notre vie, et on peut éduquer, on peut changer le regard qu'on porte sur la sexualité, on peut changer le regard qu'on porte sur les gens du sexe opposé, on peut changer son rapport, le rapport entre la force et son droit de disposer du corps d'autrui. Et je pense que dans la prostitution, il y a effectivement d'énormes rapports de force qui sont toujours au détriment de la personne prostituée et en faveur de la personne prostitueuse, prostitueur, donc le client, et que ces rapports de force sont une négation des droits humains les plus élémentaires, et que là on n'est pas dans le désir ou le besoin, on est au niveau des droits humains élémentaires à la dignité, et que cette dignité, elle est 1000 fois bafouée lorsque quelqu'un prétend avoir recours pour satisfaire ses désirs au corps de l'autre. Voilà. Merci. Voilà. C'était Florence.